rap sont bling bling. Regarde-moi, celui qu'on voit le plus dans une pièce, c'est le plus faible dans cette pièce. Je te l'ai déjà dit ça. D'accord? Tu veux ressembler à qui? V'là du rap sans bling bling bling bling. J'arrive de l'Est et dans ma bouche il y a bien trop de style. Origine polonaise avec un mental yougoslave. Ma voix n'est pas assez grave, on mettra pas de vocodeur. Indépendant, je ne suis pas tout de vos modes. Ce désir de plaire ne vous mènera nulle part. Si vous devez vous surpasser dans un domaine quel qu'il soit, vous devez le faire pour vous, pas pour un autre. Regarde où j'en suis, déprimé, mais pas divarius. J'ai pas les housses, frère, j'aime de station balnéaire. Ça veut juste dire, je vois des riches qui réalisent mes rêves. Comme les clopes meurent sous un écran de fumée. Si je ralentis, c'est que dès le 3, on est en fin de mois. 2010 à la NPE, je trouve des partenaires. Je crois que le bonheur nous a appartenu. Les jaloux ne veulent pas leur bonheur, mais tiens. Les potes te ravissent histoire de se mettre bien. Les uns les autres ne trompent pas meilleur les commerçants. On sait que t'es qu'une pute depuis que tes compères bavent. Les apparences trompent comme les trans au Brésil. Je suis un mec qui est dans un monde d'hypocrisie. Je reste vrai le bord du faux, donc j'en ai pas l'air. Par contre, ton watch est bien du pneu, pas dit les balais. J'arrive de l'aise, j'ai évité le Xanax. J'suis pas le plus à plaindre, regarde le monde demande un max. Décide comme un ex-obèse, il prend des calories. Mais je sais qu'il y a pire, c'est la vie, c'est pas horrible. Personne m'arrêtera, ma voix sur un vinyle. J'vais faire le buzz, mais pas éclair, jusqu'à l'infini. Et l'eau de la sans bonne, fait avec une bonne run. Sache qu'un homme pleure. La tête dans la lune, j'tire des plans sur la comète. Mais les pieds sur terre, j'ai jamais attendu qu'on m'aide. Une plainte à crème saine, j'ai vendu avant le duraliste. Si je prenais des slims, c'est que les max sont durs à lire. Pour l'instant ta meuf tournait avec tous tes potes. Alors quand tu la baisses, demande-toi auquel elle pense. Le K.O. Mike, K.K.M, si je bluffe ça. La force du bison, y'a personne qui nous bluffe pas. Celui-là. Eh? Eh bien, il croit qu'il est le meilleur du circuit. Mais je crois qu'il a raison. Essayez de pas le foutre en colère, hein?